avait des jeux fatidiques. Là les yeux de nos mères ont vu remplacer les feux d'artifice par les feux de forêt. L'époque douche paraît changeante, la drogue douce passe les tendances. J'ai peur pour ma descendance, alors pourquoi faire semblant et ne rien leur dire? Hein, à l'heure où je vois que les rampions est toxique, mec, je déambule dans les vieilles villes. Je vois que le système mène les gens dans les embûches et les encules sans les prévenir. Je vois les chapeaux faire la manche, l'atmosphère navrante. En 2012, ouais, on est tous des marionnettes savantes. On sert à val ta langue, on saigne déjà de l'attente. Putain, avec leur son, on sait à quoi s'attendre. Je crache voyant l'écart des gens sont permis. Je rappe pendant que je marche, croisant les regards des enfants terribles. Je les vois chanter en buvant, bagarre dans géambulance. Mais j'ai compris, je peux pas les faire changer en déambulant. Non. Fais les 100 pas comme un lion en cage. Et si je dévoile toutes ces conneries, c'est que le pilon m'en parle. 10 ans dans le rap fiston, je m'en tape d'être à la hauteur. Tu le sais, je suis qu'un bâtard et je t'expose juste ma vision d'en bas. Schizo sans gloire, du genre à bavarder seul pour survivre. Y'a plus que la rime, frère, je me pavane des heures dans les rues de ma ville. Mal à mettre ma feuille de mission dans le sac. Je ferai parler de moi avant qu'ils foutent à la trappe mes œuvres. La vitesse est rude, j'ai sorti la brique de ces murs. Je déambule entre les putes, la crasse et la mythe, belle et but. J'ai dû choisir mon camp parmi ces quelques trucs. Séquestrer la chance pour la forcer à me faire. C'est quatre qu'elle ne fait plus, j'ai que ma clique de sûr. L'autre c'est sale fils de pute, je resterai le même. S'ils veulent qu'ils me tombatissent dessus, j'ai l'habitude de rue. À chaque piture de plus, je me sens revivre, frère. Car toutes ces choses qui m'animent plus me tuent. Galère dans la ville, les bras ballants. Allez, j'y fais un tour. Allez. Mais mon avenir n'y jettera pas l'encre, un tour. Et puis s'en va, comme dirait l'autre. Et pour oublier l'ambiance, faire sans plaque, vont pire et l'autre. Allons galérer dans la ville, crier ses meurtres, trou. Par des vitrines, et ses meurtres. Encore un tour. Et puis la chatte, est-ce que les vraiment temps? Faut-il que je m'acharne? Est-ce que j'ai vraiment le temps? J'avance à voix serrée, mais la vie ne m'apprend rien. Des cris et des SOS dans tes riens, en détresse sur la voie ferrée. Carotté par le vendeur de larmes, surpris d'un beau, mais le prix d'un ton se compte dans la grandeur de l'âme. C'est parti en vrille, l'échange standard se fait trop tard. Mais les gens changent de trottoir le soir quand on arrive en ville. J'en entends les gifles et c'est tentant, mais y'en a tant et en même temps j'en entends d'autres réciter l'évangile. Mais les gens flippent moi de même de me retrouver sans shit. Je préfère que sortir d'une soirée bourrée et me faire tatouer mon chiffre. Je suis pas tombé dans le cidre, me fous d'épater les gens ivres. De voir un vigile se faire claquer les dents, éclater les gencives. Nous baiser, nous baisser, pour des trèfles à quatre feuilles. Tu voulais nous blesser, mais ma détresse n'a pas de seuil. Tu ne me testes pas, je gueule et ne suis pas ténor. Si le rap est mort quand je t'ai embué, je ne conteste pas le deuil. À la télé, un homme couvert de sang, sa grippe au missile. Dehors, les sirènes chantent la mélodie d'un triple homicide. La fille d'en bas fait des horreurs de son corps. Donne le sourire à son Mac et fait le bonheur de son coffre. Écoute, j'ai vu des frères s'en sortir, c'est rare, je sais, mais aussi rare que toutes ces fois où je leur ai dit que je les aimais. Puis j'ai perdu mes nerfs aux urgences, ça rate. Il a plus de jambes et face à la rue qu'une chance et ça rate. Et tu crois quoi, nos petits, tu parles là? Voilà pourquoi j'allais chercher ma pauvre mère à la sortie du parloir. La rue est bénie, les clos charmantes. Mais elle va perdre la vie après avoir entendu croire t'es trop charmante. Ça va hurler si t'as Facebook. Et tu vas jouer comme ce soir, les caisses vont brûler si la thèse boue. J'suis sous remesse basse, j'entends plus que les porcs lyricains. Donc je vous laisse et je déambulerai sur une prod lyrique. Galère dans la ville, les bras ballants. Allez, j'y fais un tour. Mais mon navire n'y jettera pas l'encre, un tour. Et puis s'en va comme dirait l'autre. Et pour oublier l'ambiance, vers sans plaque, vont virer l'eau. Allons galérer dans la